C'est White Weezy. C'est le volume 1, yo. Mon beat est down low, mat mon teaser. Eh hey, ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Eh hey, ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Donc je reviens avec un style de dingue. C'est Irish Pride, on a pas besoin de flingue. On fait du son pour les cinglés car ici bas c'est la jungle. Le mensonge, je vais pas le brader pour une grosse balle tringue. Oh. Donc je reviens avec un style de dingue. Et ouais, je fais du son pour les zingues. Vois comment j'ai mis la barre haute. Vois comment la concurrence chlingue. Ouais, les gars, revois la brève. Ah. C'est White Weezy, c'est Lyra au mic. Les faux MC ont les bras que les microphones dans les crames. Quand on monte sur la scène, souvent ça finit en drame. Oh. Putain de merde, c'est trop simple. Tu le sens que j'ai les gros zingues. Bientôt je balance ma taille de Jack. Ce sera punchline sous absinthe. Et ouais, je débarque dans le game. J'suis loin d'être un ouf, j'suis à 10 000 du cliché du rappeur qui gonfle et qui pousse. Moi c'est mon flow qui te couche dans le noir avec les yeux rouges. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Alors boum, mon beat est down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Eh ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Eh ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Donc je reviens avec un style de fou. Deuxième couplet, on a grandi comme des loups. Abonné aux trucs chelous, aux embrouilles des mecs jaloux. Ça se règle comme ça chez nous par des coups de genoux. Oh, putain de merde, j'ai pris des coups. Mais je suis là et je suis debout. Vois comment j'ai mis la barre haute. Vois comment je tiens le bon bout. Allumé depuis la naissance. C'est le 8-900, c'est le dirty sense. Tout petit depuis mon enfance, j'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai un coup d'avance, donc je m'en balance. Ouais, ce son c'est pour les sauces. Même si pour toi ça n'a aucun sens. Bientôt je balance le volume 1 et ça partira dans tous les sens. C'est Big White Weezy, génération de la loose. J'suis à 10 000 du crack, de la cocaïne et des boîtes à partout. Moi c'est mes rimes qui te douillent. Et un jour j'espère en faire du flouze. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Alors boum, j'étais down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high comme sous Caesar. Mon beat est down low, mat mon teaser. Et ouais, j'suis fly high.